Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahullah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. Cinquième leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى وضع؟ عندك. ما معنى الميزان؟ balance. Elle wasn. Le poids. Le pesé. Le poids, le portant. Zaïd. Zaïd. Zaïd. Le wasn, Zaïd. C'est un surplus. Ouais, except pour le surplus. On peut traduire par augmentation, tout ça. Une augmentation. Surplus augmente. Ouais, parce que ziada, c'est augmentation. Eh oui, mais là, ça y est, c'est une celui-là. Non, ils sont proches. Mal'aïm la'ou. Remplir. Ah. Bitaqa. Bitaqa. Bitaqa. Ça, c'est une carte. Bahou. Sol. Non. Ittajaha yattajihu. C'est dirigé. Surur. Heureux, joie. Non. Haqa'ib. Valise. Maw mufrad. Ça veut dire. Ça c'est djem ça. Haqa'ib. C'est quoi le mufrad? Donc les gars, aussi on a appris comment faire ism fa'il d'un verbe un soulafi d'un verbe à trois lettres. J'ai sous quelle forme à la il wasn fa'ala fa'il fa'il. Je vais vous dire comment aller. Quel est le deuxième أنت معك كتب أنتم معكم كتب أنتن معكن كتب هو معه كتب هي معها كتب هم معهم كتب كتب هن معهن كتب حبك الله. ثم قلنا رابع كذا ونفي الثالث أخر نعم يدفع 50 ريال 50 أبرا رجل الرابع معي 50 ريال سوالي بل كيف أفعل. طيب الجملة الأولى ونخلص معي 90 ريال. نعم. معي 80 ريال. ما نقول عندي؟ عندي 90 ريال. ما؟ كنا عندي ما يلزم يكون معك الآن. C'est pas obligatoire tu les as maintenant. عندي. Ah, c'est pas chez toi, ça peut être. Tu les as en possession, c'est pas d'accord entre toi. Marie et Ben, c'est avec toi maintenant.

et tu fais comme sur le la feuille, et tu fais plusieurs lignes comme ça en décalquant, et après de toi-même tu refais. Tu appuies ta main à le faire. Au début tu fais le kalem khat, c'est un stylo de calligraphie, propre pour l'écriture. Après on va le tenir comme on le fait tourner. Et si tu arrives à écrire avec ça, avec un stylo, après c'est direct. Tu apprends toi à écrire du style de calligraphie en premier. C'est quoi ça? C'est un stylo qui ressemble un peu au stylo du Sabura, stylo de tableau, mais une mine comme ça. Tu vois, un peu petit. Par exemple, on pourrait faire un roi, il va t'apprendre à prendre le stylo et à le faire tourner. Tu vois, un livre, il faut qu'il soit comme ça. Après la Hamza, tu prends le stylo et après, hop, ça tourne. Pour une épaisseur là, ici, plus fin. Et quand tu vas respecter ça, au début, c'est un. On ne demande pas d'écrire comme ça sur ton cahier. Mais ça arrive à écrire comme ça, avec cette calligraphie de toi-même, et le stylo, tu vas écrire vite et propre. On va te donner le plus dur. Ça y est, parce que le plus dur, pour que tu ailles à faire, c'est plus facile après, de toi-même. C'est comme ça, juste une méditation, tu vois. Elle a fité au bout, et non. Alors que le stylo, c'est une pointe, c'est une bille. Il n'y a pas d'effet comme ça. ensuite, on avait dit, ça va bien. Hawil Jubal Atiata Kemaf Namouzaj. Donc, transforme la phrase suivante, comme dans l'exemple. Là, il faut faire un Ismaf Aïl. Akhir Man Kara. C'est lequel dans le dernier ? أنا كتبت أنا كاتب نعم أنا قرأت أنا قرأت أنا كو قرأ نو أنا قارئ قارئ سيتو أيوه أنا شربت أنا شارب نعم أنا حجزت أنا حاجز أنا دخلت أنا داخل أنا خرجت أنا خارج أنا قدمت أنا قادم أنا جلست أنا جالس أنا دفعت أنا دافع أيوة وأنت طلبت أنت داود أنت طلبت أنت طالب وهو علم هو هو عالم نعم quel que soit le la il n'y a pas une conjugaison particulière pour ça est-ce que ça soit si si par exemple c'est antum parce que c'est ana mais antum علم هو جمع antum كاتبون هو جمع ذكر سالم ou autre chose tout le pardon il y a différents pluriels Salen. Parce que là, on a vu que Adam. Dieu Salen. Sarkozy Kafara. Fawa. Kafir. Kafir. Le djem, c'est quoi? Kafiroun. Kuffar. Kafara. Ça, c'est un nom, ça. Ça, c'est un nom, ça. Ism Ferry. Ism Ferry. C'est un nom, ça. C'est pris ça, j'ai toujours des mal avec ça. C'est d'autres formes. Là, on a pris l'isme féril. On a pris l'isme féril du 3 lettres. Par exemple, le 4 lettres. Aslama. L'isme féril, c'est quoi? Muslim. Muslim. De Aslama. Aslama. Et le mazdor, c'est l'islam. Tu vois? L'isme féril, c'est muslim. Aslama, ça me pense que Salama. Là. Parce que. Salama, c'est par exemple. Tu dis à un ennemi, salim nesek, rends-toi. Vous voyez? Et aslim, c'est soumets-toi. C'est plus proche de ça. C'est proche. Vous voyez? C'est proche. Parce que là, dans le texte, après. Parce que tu peux te rendre. Mais t'es pas soumis, t'es pas d'accord, tu fais de malgré toi, tu vois. Alors que celui qui est yuslim, se soumet et tout, et il accepte la chose. Surtout dans l'islam et char, tu vois. Dans la législation, l'islam, c'est tu l'acceptes. Faminam, pour remplir les trous.

Yassadou plutôt. La montée. Et ça, c'est un isme fa'il aussi. Ça, c'est un masdar. Un masdar. C'est quoi la différence entre les deux? C'est la façon d'écrire. De quoi? Le masdar, parce que ce rôle, c'est la montée. Eh ouais, c'est pas monte. Hein. C'est pas celui qui monte. C'est pas celui qui monte, c'est l'action. Ça, c'est les deux. Pas les termes. A'lana yu'linu. Yu'linu. Non. Et le masdar, c'est i'lan. On va l'écrire. Ce qui veut dire annoncer. Annoncer? Non. A'lana. A'lana. Yorino. Yalanen. Yalanen. Non, Mazdar. Yalanen. Yorino. Yalanen. Il n'y a pas de point, mais c'est un nom. Le nom Roka, il n'y a pas de point. Comme ça. Non. Marra, yamurru. Passé, passé. Le mazar, c'est murur. Mururan. Marra. Yamurru mururan. Après ça, il y a après ça, il y a marra yamurru mururan. Samia yasma'u. Vous connaissez? C'est-à-dire quoi? Passé, passé. Passé. Marra. Le fait de passer. Mmh. Et comment tu veux dire le mur? Mur. Mais ça, ça se dit pas, ça, on dit autre chose. Oui, mur. Mouchi. C'est le mot. On ne dit pas sir. Sir. Sir. Sir, c'est plutôt avance. Seigneur, il y a son. Mais il peut s'employer aussi, non? Samia, Esmaou. Marouf, qui veut dire entendre. Nida'an ou Nida'ou, ils n'ont pas mis en jeu. Istama'a, c'est quoi ça, Istama'a? C'est écouter. Ah, oui. C'est le fait de vouloir écouter. Et Samia, c'est entendre. Nida'an, c'est un appel. Comme Harf Nida, Ya Mohamed, c'est particule d'appel. Tawadjaha, yatawadjahu, c'est le même sens que ittajaha, yatajihu. Se diriger vers. Et le mazal, il nous écrit tawadjou. Il nous écrit là. Sallama, yusallimu. Salut, est-ce non? Non, mais là, c'est pas ça qu'ils veulent, malheureusement. Le début du texte, là, par entre Mahmoud et son copain, il a fait salam alaikum. Là, il veut dire quoi? C'est le fait de donner quelque chose. Mais ça, je comprends pas. Rendre quelque chose. C'est... En fait, les mots, là, ils ont des... En fait, ils peuvent prendre n'importe quel sens, selon le contexte de la phrase. Ouais, le sens, il peut changer en fonction de la phrase. Parce que des fois, aussi, on utilise le même verbe pour dire salut. Mmh. Celle d'avant. Ah oui, c'est le même verbe. Mais il y a des autres choses à la base aussi. Là, c'est donner, c'est ça? Ouais. Donner quelque chose, délivrer quelque chose. Mais à la base, on l'utilise pour saluer ça. Pas forcément.

كمات العرش العرش العرش زايد زايد. Donc il a dit, ensuite il posa ses valises et paya $50 pour l'excès de poids de ses valises, de ses bagages. Zaid, donc ça va être surtout. Et le climat, c'est valable pour une maison, n'importe quoi, le prix. Une chose qui est valable. Ça, on souffre et compte le prix. Bah. Ouais, mais l'on ne peut pas comme ça. Mais on peut comment? On dirait Femen Sia. Femen. Je peux dire, ma climat, hein? Parce qu'un climat, une valeur, c'est pas forcément un prix. Tu dis, elle, hein? Qu'est-ce que climat, tout, il veut dire? Climat, qui est bien, là. Une grosse valeur. Mais pas forcément te dire un chiffre. Tu vois? Tu dis, quand c'est la hada, elle te donne le chiffre direct. Quand si elle met le prix de ça, il veut dire, khamsoun, setoun, sabloun, alif. Sia. Ça veut dire, femen, c'est le prix. Non. Comme si elle, quand tu dis ça, quoi ça prix? Combien son prix? Voici. Thumma tasallama. Thumma tasallamu. Tasallamu. Sallama. Mardi. Mardi, quoi? Là, c'est une question, c'est il compte. Donc, c'est que où? Je crois que c'était Sallama en fait. Thumma tasallama bitaqatil mu'adarati. Ensuite, il reçut la carte de départ et l'a remplie. Thumma marra ala dabiti jawazati wa ba'da dhalika tawajjaha ila bahwi al-musafirin. Ensuite, il passa par l'officier des passeports, et ensuite, après cela, il se dirigea vers la salle des voyageurs. Pourquoi ils ne mettent pas toutes les lettres, les vocalisations? Parce que moi, je ne sais pas, tu vois, si c'est que ça. De quoi? Moi, je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas si c'est Baroud, Barid, je ne sais pas. Barada. C'est pas dans le salé, c'est pas depuis le début. Le jour, parce que les couteaux, en général, il n'y a pas de harakat. Non. C'est l'origine dans les livres, c'est qu'il n'y a pas de harakat. Après, ils ont oublié l'alif, la Jawazat. Jawazat. Là, ils ont oublié l'alif, la Jawazat. Non. On va rajouter. Le voir d'imprimer, je ne sais pas. Bon, si. Wabarda sa'ati, Samiran nada'a. Ni. Samaran nida'a. Sami. Samiran nida'a. Donc après, au bout d'une heure, il entendit l'appel suivant. Sachez également en arabe, sa'a, c'est pas forcément une heure. Ça peut être un laps de temps. Voyez, comme à Hadith, eux à l'époque, ils n'avaient pas de montre. Ils n'avaient pas. Sa'a, c'est pas forcément 30 minutes, comme à notre époque. Comme le hadith de Mu'adh ibn Jabal, il a dit qu'on tourne le Nabi à la Hira. Voyez, donc là, il y a Mu'adh, la couture de la veille qui est Rasulullah. Ensuite, quand il y a Mu'adh, en fait, il dit quoi? Il était à l'arrière, en train de chevaucher avec le Nabi, avec le Prophète, sur un âne. En fait, il appelle, il y a Mu'adh. Il dit la veille qui est Rasulullah, c'est-à-dire, je réponds ton appel. Sa'ayadak, c'est ça qu'il doit, Sa'ayadak. On se dit, comment ça? C'est pas une heure qui est passée, il m'a rien dit. C'est il y a eu un temps en fait. Là, ce temps qui s'est passé, il a rien dit, après il a rappelé. Il y a Mu'adh, il a redit, la bête qui est à Sallallahu wa sallam. Après il a dit, comment ça? Après une troisième fois, la personne l'a dit, il y a Mu'adh. Mu'adh lui a dit, il y a la bête qui est à Sallallahu. Après il a dit, Adadri, Mahakullah ala l'Ibad, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs? Le hadith, que vous connaissez. Donc il dit, Marasa'a, une heure est passée. En fait, on croirait. Mais si tu ne connais pas le vrai sens, tu vas dire, il y a une heure. En fait, bon, ça lui l'appelle, il dit, Yamouraz, là, il va prendre une heure, il dit pas rien. Tu ne vas pas comprendre. Et c'est pas une heure qu'il veut dire, c'est un temps qui s'est passé. Tu vois? C'est comme le hadith de la Sa'a du Jumu'ah. C'est pas une heure, c'est un temps. En Jumu'ah, il y a un temps en Jumu'ah. Allez, tu fais le dora, Allah est sajid mec. C'est pas une heure genre 30 minutes, c'est rien à temps quand je vois. Mais à notre époque maintenant, dans le style al-hadith, de nouvelles technologies, ça a fait une heure, 30 minutes, comme on la connaît. Mais dans les hadiths, on ne peut pas avoir. C'est mouta, c'est comme mouta. Voilà. L'ahda ou. Non. Terminons. Al-Tahali, après, donc après une heure, il entendit l'appel suivant. Al-Tahali, c'est-à-dire suivant. Terminons le khutut arabiyatu saoudiyatu an qiyami rihlatiha raqam. Raqam كم؟ Raqam 900. La. 10. Allez, arabe histoire. Non, tu sens. Tu sais, c'est un mot d'enfilé. Ah, ouais, tu sais. Hein? Dans le four, ils disent pas trop. Pas trop, non. Donc, il dit, tournez-le le photo de l'arabie saoudite. Donc, les lignes aériennes, la compagnie aérienne, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, annonce. طيب علامات ونوسي أنوس طيب عن قيام en fait c'est que le vol va partir طيب رحلتها le vol رقم 90 du vol numéro 90 قيام c'est l'arrivée quoi là en fait là ça ne pourrait pas le traduire c'est en fait on dirait directement l'annonce son vol mais quand on dit عن قيام ça va se faire là طيب comme quand قام في صلاة طيب la صلاة ça va se faire là les proches. La prière, ça devient du verbe qu'on a. Voici. وَمُتَاجِرَتِي بِمَشِيَتِ اللَّهِ إِلَى رِيَادٍ. Non. وَمُتَاجِرَتِي, là, ça revient à quoi? Rihla. C'est le vol dirigeant par la volonté d'Allah à Riyad. En fait, c'est le refil enchaîné, on a coupé l'autre. Et ça veut dire la phrase. طيب تورين الخطوط العربية والسعودية عن قيام رحلتها رقم 90 المتجهة اسمها كوا رحلة طيب صفة رحلة بمشيئة الله إلى الرياض طيب c'est que les lignes aériennes de Saoudi vous annoncent طيب le départ du vol 90 se dirigeant par la volonté d'Allah vers Riyad. Quand tu vois les خطوط السعوديennes et ben alhamdulillah font appel à Allah il va chier là, je le dis. Depuis le début du texte, c'est un petit peu, tu vois. Non, sur les Victor aussi, ils font des doigts et tout. Après, tu vois. Moi, je parle dans le Kitab. Depuis le début, tu vois, ils disaient rien. Le Mouazaf, il dit rien. Vous voyez. Ça dit quoi, et puis là, par contre, pour rentrer un vol, ils le disent. Alhamdulillah. Ou Asim Moussafirina ala hadili. Donc, les voyageurs doivent se diriger en vitesse vers le vol. Donc, du moins, les voyageurs de ce vol, passagers de ce vol, doivent se diriger en vitesse. Il a bawati. Salafa. Vers les portails de sortie, ou sas de sortie, Rome Salafa, numéro 3, Disroud et Toyra, pour monter dans l'avion, pour l'embarquement en fait. En fait, on y va pour l'embarquement dans l'avion. Et Tawadjur, il est souvent utilisé sur la toute Tawadjur. Souvent utilisé sur la toute Tawadjur. Là. Dépêche-toi vite. Voilà. Là, c'est facile. Ça, c'est quand ils vont essayer de faire des bonnes formules de couffards sur l'arabe. On peut mettre comme ça, quoi. Sinon, non, ce n'est pas une tâche qu'ils ont. Comme je le dis, ce livre-là, c'est des formules vraiment d'échange entre les gens, ceux qui ne se connaissent pas ou quoi, de politesse d'après, tu vois. Mais en vrai, tu vas parler comme ça aujourd'hui, les gens ils vont dire, tu vas pas trouver que tu parles comme ça, c'est pas ça. Même le chien, on parle comme ça. Tu vois. Alors la même, on parle comme ça, pourquoi ? Là, c'est des trucs, voilà, le langage commercial. Vous voyez ? Clientèle. نعم طيب كما يقول أولا أجيب على الأسئلة الآتية دونك ريبون كيسيون سيفونت هذا سيكون نيرادين لي كيسيون بوغ تشوف لي كومبي يا سكو فير بور دوما ماذا سلم محمود الموظف كيسك محمود طيب ا دوني ا ليفري سلم سو ليفري اوسي باز ديكو سو سو بوغ بوغ دير ليفري اوسي طيب مي لا يبي دير دوني ماذا سلم محمود الموظف كيسك محمود ادوني الامبلوي اولا ثانيا ماذا وزن محمود كيسك محمود ابوزي ثالثا كم دفع للوزن الزائد كومبيان سي بيي بور سي بوا لو سيربو دو بوا رابعا ماذا اعلنت خطوط سعوديه كيسك لين ايان لين سعوديان اون انونسي خامسا الى اين تتجه عفوا الرحله رقم 90 طيب en quelle direction quelle est la direction du vol 90 vers où se dirige-t-il سادسا ماذا طلب الموظف من المسافرين qu'est-ce que l'employé a désiré des voyageurs سابعا ما رقم بوابة الخروج؟ كل النمو دي بورتال دي سورتي دي ساس دي سورتي ثامنا لماذا يتوجه المسافرون الى بوابة الخروج؟ بوكوا اسكو لي باساجي سو ديريج فير دي سورتي دي بورتال دي سورتي والأجوبة كلها في النص لي ريبونس هون دو تيكست مفهوم الأسئلة؟ داود؟ نعم طيب ثانيا املا الفراغات في الجمل الاتيه باختيار الكلمات المناسبه بما يلي دونك ريبو او رامبلي لي ترو لي فيد طيب لي فراس سويفونت ان اوتيليزون ان شويسون لو مو كوراسبون بارمي سو كي سوي لو بروميير مو التوجه سا سي لو بون سون توجه العشف لو باجاج سامع اونتوند ضابط اوفيسيير ومعقاز وضع المسافر ثم تلبيد على الميزان donc le passager ou voyageur a posé quelque chose voyez sur la balance ثانيا فحص un nouveau verbe فحص c'est examiner analyser contrôler par exemple un farsdem c'est une prise de sang une analyse de sang sanguine analyser contrôler examiner فحص يفحص طيب فحص طيب أترو الجوازات الجواز دونك اتونسيون على هذه الجوازات الى كسره دونك دوموندي بوكو اذا دامو يدون كسره دونك تروي المود كوريسبون سي فاسيل دو ثالثا تعطوا ensuite المسافرون النداء donc les passagers ou quelque chose l'appelle رابعا على المسافرين سرعة trop إلى بوابة الخروج donc les passagers doivent quelque chose en vitesse vers les portails de sortie je pense que c'est clair facile pas mal عندكم سؤال؟ ما عندك؟ طيب بس أنا أقف هنا ونقول الحمد لله رب العالمين